C'est pour les Ariens et les Slaves, les Targaryens et les Stark. Si vous le faites pas pour vos traces, que retiendra l'histoire? Je veux pas qu'à l'école ma descendance on leur inculque que nos ancêtres les négros, mais plutôt qu'ils apprennent la légende du nécrochu. Car dans un siècle, on parlera du Youtre comme nos ancêtres le faisaient au Moyen-Âge du loup-garou. Il sera plus qu'un mauvais souvenir, un mythe pour enfants dissipé. Mange ta soupe ou limon de créature à qui pas viendra t'enlever. Car tel était le Youpin, assoiffé du sang de l'Arien. Et au final, c'est peut-être pour ça qu'il finira en chambre à gaz. Mais pour l'instant, l'heure est grave, y'a pas le temps de rire. À part si avec des photos d'Auschwitz, t'espères m'attendrir. Ce que j'aime, c'est entendre le bruit des bottes ainsi que les cris des fiottes. Un grand défilé d'oriflammes, croix gammée sur l'étendard, brassard rouge, blanc, noir, totem, cop et uniforme. Hugo Boss, ça c'est la classe, pas comme l'étoile jaune. Le geste de reconnaissance, c'est pas une quenelle inversée, mais un salut fasciste. Quand Forisson nous quittera, je dirais ciao l'artiste. Toujours bon pied, bon oeil comme Jean-Marie Le Pen. Béni, Vili, Vichy, nous voilà maréchal. C'est pour mes Ariens et mes Slaves, les Targaryens et les Stark. Croisade contre le peuple décide avec la croix de Saint-Georges. Mes Ariens et mes Slaves, les Targaryens et les Stark. Nique Israël, la Palestine, la terre promise est nôtre.